Connais-tu mon ami, le vendeur de chaos? Il te parle un instant et tu mêles des mots. Il te tord la cervelle et tu cherches le nord. Il zigouille les centres et tu sors de la mort. Tout chambrant l'alentour, tu te dis, j'ai trop bu. Ça se bouscule un peu, puis ça évolue. Lentement tu pédales, ça se perd au tournant. Tu me suis ou tu dors? Ça devient étonnant. Le chauffeur est perdu dans les rues de New York. Ils ont mis de la poudre au dessert dans son bac. Qui de nous a perdu tout le poids de ses rêves? Les histoires culbutent dans des fleuves de fièvre. C'est un petit garçon qui raconte à un chat des problèmes d'enfant qu'on prend pour un pacha. Il sera vagabond pour s'empiffrer d'espace. Il jouera de son rire en quêtant sur la place. Rêvera de lui, de sa vie, de partance. Il aura sur la nuit une coche d'avance. Ils ont mis des hiboux pour amadouer la lune, avec des billets doux se perdant dans la brume. Les pylônes distraits ont mangé la forêt, et le lit des rivières a vendu ses secrets. Les bipèdes ont couru jusqu'au bout de leur force. La planète essoufflée avait bombé le torse. Ils ont laissé leur corps au bout du corridor. C'est tout nu qu'on avance sur les quais de la mort. Un vieillard a souri en franchissant la glace. Des amis l'attendaient au bistrot de la place. C'est journée de gala chez les toges pédantes. Tous les grands oiseaux noirs ont la langue gluante. Et la justice borgne garde un œil sur le fric. Muselés sur le champ, ces anges de panique. Doit être impeccable pour les grands simulacres. Nul ne doit découvrir qu'il s'agit de théâtre. Autrefois, ce pays était un bénitier où grenouillait dans l'ombre tout un peuple enchaîné. Une outarde essoufflée a jappé des nouvelles dans le champ du voisin, sans descendre du ciel. On a cru à un signe, un présage mystère, et le doute est venu vendre la rouille au fer. Tous les moines chanteurs parlent de l'au-delà. Qu'importe au bout de tout qu'on les croit peu ou pas. Ils ont prêté leur voix pour fêler le silence, celui des yeux fermés et de l'indifférence. On n'en sortira pas à moins d'ouvrir les yeux. Les bidons d'électrons s'empilent jusqu'aux cieux. Qui allumera la mèche de l'ultime pétard? Petit sous-officier échappant son cigare. L'avenir est aux mains d'un peureux trop armé, paranoïant sa fin dans un bunker miné. Les chansons du silence mènent une danse immobile, pour les gens de parole, de rêve est volubile. Maintenant tu connais le vendeur de chaos. Il te parle un instant, il a mêlé tes mots, et le verbe s'est fait cher. Qui peut s'en racheter? Même la terre est minée, et l'on dit terminée.